Et le nun c'est alamat al-innas ou alamat al-jam comme ils ont dit. Katabta. Ta. Nam. Asalat. En al-fa'il. C'est. Sakina. Ta'nis. C'est le fa'il. Asalat. C'est dame al-mustatir. Ah oui, attention. Là, le ta, c'est pas un ta fa'il. C'est pas comme tout ti ou ta. Il n'est pas pareil. Nam, c'est hiya. Dame al-mustatir. Takdiruhu hiya. La'ibu. والجماعة والجماعة دخل تاني المستطيع نعم تقديره ماذا هو هو ضربت سيدامي المستطيع نعم طيب الآن يقول من الضمائر المتصلة parmi les ضمائر attachées tu as là il va te faire un خلاصة tout ce qu'on a pris un topo ce qu'on a pris التاء كما في Donc le ta comme dans مثلاً zahabta. Zamir muttasil. Zahabti, c'est zamir muttasil. Zahabtu, c'est zamir muttasil. Zahabtum, tu, c'est zamir muttasil. Zahabtunna, tu كذلك c'est zamir muttasil. Et également parmi les zamir muttasila, waw wa jamaa. Kama fi comme dans zahabu. طيب. Également parmi les zamir muttasila, nun et nun niswa. كما في comme dans ذهبنا أي النساء ذهبنا إنا طيب نا الفاعلين كما on appelé كما في comme dans ذهبنا أي نحن ذهبنا et c'est tous le فاعل et maintenant il dit تأمل ما يلي sache que le damir مستطير طيب les savants du Nahu ils l'ont classé parmi les damir متصلة bien que ça peut ne peut pas être logique Parce que tu veux dire Zahaba ou dire ouais, c'est un mot facile, c'est pas un mot facile. Tu vois. Et pourtant, eux, ils l'ont mis du genre d'une crise, mais le mot facile. C'est comme ça. Vous voyez. Il est considéré comme un mot facile. Bien que, en apparence, on mettrait plutôt dans le mot facile. Naam. Naam. Naam. Taïb. أين حامد هو حامد تقول خرج كون صاد كما ça là on voit pas de فاعل en apparence et comme on l'a dit il est où il est là c'est damir mustatir طيب تقديره هو et lui comme on a dit à l'instant on le classe parmi les damir les muttasil طيب bien que cela contredise que nous on pourrait imaginer comme étant logique mais ce n'est pas le cas donc quoi en fait c'est خرج C'est le fi'al. Et son fa'il, c'est damir mustatir. Thanyan, ça c'est le muzakkar. Taïb, Aina Hamidun. Wa le mu'annath, Aina Aminatu. Taïb, Aina Aminatu. Où est Amina? On va dire quoi? Kharajat. C'est-à-dire, hiya. Donc c'est kharaja, c'est fi'al, avec ta'anis, ta, qui est alamat ta'anis, et son fa'il, c'est damir mustatir. Et dans le fi'al ma'adhi, le damir mustatir, on ne le trouve que deux fois. On ne trouve qu'avec huwa et hiya. Ama, fil fi'al mudali, on peut trouver plus que ça. Taïeb. Donc, tu as cool. Adhab il masjid. Il est où le fi'al? Ana, mustatir. Taïeb. Tadhab il masjid. Et dans le fi'al, le damir mustatir, et anta. Dans le Moudaliya, tu le trouves plus souvent que dans le Mardi. Mardi, tu vois que deux fois. Pourquoi ? Parce que tous les autres, c'est des Moutassila, ils sont Moudjouda. Tu les vois, elles sont là. Voyez ? Donc voilà, c'était ça le test d'aujourd'hui. Un Axwell ? Non. Taïeb. Fa naktafi bi hada wa nakul wa alhamdulillahi rabbil alamin.